Au retour de Don Pedro, Bénédicte lui apprend l'amour de Claudio pour Héro. Quant à lui, Bénédicte, il poursuit ses propos misogynes devant Don Pedro et Claudio. Qu'une femme ait conçu, je l'en remercie. Qu'elle m'ait élevé, je lui en suis aussi bien humblement reconnaissant. Mais je ne veux pas plus sonner la lali au-dessus de ma tête qu'accrocher piteusement une corne de chasse à quelque invisible ceinturon. Et toutes les femmes doivent me le pardonner. C'est parce que je ne veux pas avoir ce tort de me méfier d'une d'elles que je veux avoir ce tort de ne me fier à aucune. La conclusion, et je ne serai que plus accompli, c'est que je vivrai garçon. Avant que je meure, Bénédicte, je te verrai pâle d'amour. De colère, de maladie ou de faim, monseigneur, mais d'amour, jamais. Prouvez-moi que l'amour me fait plus perdre de sang que le vin m'en rend, et je veux bien qu'on me crève les yeux avec la plume d'un faiseur de balade, ou qu'on m'accroche à la porte d'un bordel en guise de Cupidon aveugle. Ah, si Cupidon n'a pas épuisé à Venise tout son carquois, prépare-toi à trembler bientôt, Bénédicte. C'est qu'il y aura ce jour-là un tremblement de terre, Don Pedro. Soit, vous plierez toujours aux circonstances. En attendant, cher signor Bénédicte, rendez-vous près de Leonato, faites-lui mes compliments et dites-lui que je ne manquerai pas à son souper, car, vraiment, il a fait de grands préparatifs. J'ai, à peu de choses près, l'étoffe nécessaire pour un pareil message, et sur ce, je vous laisse. Bénédicte sort. Claudio à Don Pedro. Mon suzerain, votre Altesse peut me rendre un service. Mon affection, te reconnais pour maître, Claudio. Instruis-la de ce que tu veux, et tu verras avec quelle aptitude elle apprend la plus difficile leçon quand il s'agit de ton bonheur. Leonato, a-t-il des fils, monseigneur? Pas d'autre enfant qu'Héro. Elle est son unique héritière. Serais-tu épris d'elle, Claudio? Oh, monseigneur, quand nous sommes partis pour la guerre qui vient de finir, je regardais Héro avec l'œil d'un soldat, déjà tendre, mais ayant sur les bras une trop rude tâche pour élever cette tendresse jusqu'au titre d'amour. Mais maintenant que je suis de retour et que les pensées belliqueuses ont laissé leur place vide, une foule de désirs doux et délicats viennent s'y substituer, tous me rappelant la beauté de la jeune Héro et me parlant de ma tendresse pour elle avant notre départ pour la guerre. Tu vas être bien vite un parfait amoureux, car déjà tu fatigues ton confident d'un volume de mots. Si tu aimes la belle Héro, eh bien, fais ta cour. Je m'en expliquerai avec elle et avec son père, et tu l'obtiendras. N'est-ce pas pour en arriver là que tu as commencé à me dévider cette superbe histoire? Quel doux remède vous prescrivez à l'amour, après avoir reconnu son mal à première vue. C'est de peur que mon affection ne vous parût trop soudaine que j'ai appliqué le calmant d'une longue conversation. Quel besoin y a-t-il que le pont soit plus large que la rivière? Le nécessaire est toujours la plus juste des concessions. Écoute, tout ce qui va au but est bon. Une fois pour toutes, tu aimes. Eh bien, j'ai préparé pour toi le vrai remède. Je sais qu'on nous donne une fête cette nuit. Je jouerai ton rôle sous un déguisement. Et je dirai à la belle Héro que je suis Claudio. Je dégraferai mon cœur dans son sein. Et je tiendrai son oreille captive par la force et par le charme surprenant de mon amour récit. Ensuite, je m'expliquerai avec son père. Et pour conclusion, Héro t'appartiendra. Mettons-nous à l'œuvre immédiatement.